Me voilà, dans la maturité de l'âge, dans toute la force de l'entendement. Déjà, je touche au déclin. Si j'attends encore, je n'aurai plus dans ma délibération tardive l'usage de toutes mes forces. Mes facultés intellectuelles auront déjà perdu de leur activité. Je ferai moins bien ce que j'ai pu faire aujourd'hui de mon mieux possible. Saisissons ce moment favorable. Il est l'époque de ma réforme externe et matérielle, qui soit aussi celle de ma réforme intellectuelle et morale. Fixons une bonne fois mes opinions, mes principes, et soyons, pour le reste de ma vie, ce que j'aurais trouvé devoir être après y avoir bien pensé. J'ai exécuté ce projet lentement et à diverses reprises, mais avec tout l'effort et toute l'attention dont j'étais capable, car je craignais de me tromper sur toute chose. Le résultat de mes pénibles recherches fut tel à peu près que je l'ai consigné depuis dans « La profession de foi du vicaire savoyard », ouvrage indignement prostitué et profané dans la génération présente, mais qui peut faire un jour révolution parmi les hommes si jamais il est renaît du bon sens et de la bonne foi. Aujourd'hui, je n'ai pas, comme Solon, le bonheur de pouvoir m'instruire chaque jour en vieillissant, et je dois même me garantir du dangereux orgueil de vouloir apprendre ce que je suis désormais hors d'état de bien savoir. C'est là qu'il serait temps d'enrichir et d'orner mon âme d'un acquis qu'elle put emporter avec elle, lorsque délivrée de ce corps qui l'offusque et l'aveugle, et, voyant la vérité sans voile, elle apercevra la misère de toutes ces connaissances dont nos faux savants sont si vains. Elle gémira, des moments perdus en cette vie, à les vouloir acquérir. Mais la patience, la douceur, la résignation, l'intégrité, la justice impartiale sont un bien qu'on emporte avec soi et dont on peut s'enrichir sans cesse, sans craindre que la mort même nous en fasse perdre le prix. C'est à cette unique et utile étude que je consacre le reste de ma vieillesse. Heureux si par mes progrès sur moi-même, j'apprends à sortir de la vie, non meilleur, car cela n'est pas possible, mais plus vertueux que je n'y suis entré.